Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 août 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, pendant 3 heures, on va entendre les choses les plus aimées des animateurs de C'est fou. Oui, c'est les pièces les plus appréciées. On a un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Toujours. Allez, numéro 1 la semaine dernière, parlons-en. C'était Mimi Van Der Glo avec Tu sais du côté francophone et en anglophone, c'était Sub avec Black Gold. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission. On a quelques nouvelles entrées cette semaine. On va entendre plus tard Numéro et les Violents Cachalots qui étaient récemment numéro 1 francophone. Mais avant ça, voici les 15e position du côté anglophone, c'est nouveau Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman. Et tout de suite, voici Automélodie et Ciao. C'est dans les palmarès, c'est fou. Oh, et on a une toute nouvelle capsule de vidéo en don à la question. C'est la dernière de la saison. Et si un jour, il n'y avait plus de lions? C'est la question qu'on va vider dans 1h15 environ. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, restez là. Ouais. Accroche-toi, je t'emmène sur ma Vespa. Cœur, je t'en aille où tu voudras. Dis-moi, comptes-tu jouer les guerres toute ta vie? Et pourras-tu m'aimer même si je t'aime? Tu n'entends pas, mes questions sont déviées par ton foulard et sur la voie publique. Les véhicules sont des gommes qui effacent mes paroles, alors tant pis. Le scooter contourne les attractions d'une capitale que j'ai imaginée. Nous ne savons pas ce que nous manquons. J'ai si peur, surtout je ne veux rien cacher. Le moteur lâche au milieu du trafic. Je ne pourrais pas te l'épouser. Tu disparais au milieu de la République. Je fais comme si le rien n'était. Ciao. La Vespa est à vendre. Un modèle 77 offre ce que vous voulez. D'ailleurs elle est cassée, mais c'est presque donné. Achetez-la pour les pièces. Histoire de garage, là franchement comme métaphore, j'aurais pu faire mieux. Et j'aurais pu dire mieux quand tu t'es envolé, qu'est-ce que je dis? Adieu. Ciao, mais c'est une fois. numéro 15. Don't know where to run to, don't know where to hide. See my future coming like the rising of the tide. But I lost you, lost you, woman. Lonely woman, woman who was my kind. Made me lose my money, you made me lose my mind. It's people like you, baby, gone through mankind. But I lost you, lost you, woman. Lonely woman, woman who was my kind. Ow! Majestics avec la pièce Lost Woman de leur album The Damage Done. C'était une nouvelle entrée et la seule du côté anglophone en 15e place. Avant ça, c'était la première de trois nouvelles entrées en francophone, Automélody avec Ciao Ciao Ciao. C'est un simple de ce groupe-là, c'est un retour dans les palmarès pour la formation Automélody. Du côté anglophone, la 14e descend d'une place, c'est Surefire Machine avec One Way Ticket. Mais avant ça, voici une autre nouvelle entrée francophone, c'est les Violents Cachalots et la pièce François Legault. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Suivant. Salut Max! Hey, c'est-tu que ça fait du H? Quelque part à Saint-Eustache, dans un sous-sol en carton, un gars avec tellement de CD qu'il peut même plus respirer. Ses cartes de crédit sont loadées, il arrête plus d'en acheter. C'est un ami de l'oblique, puis du CD ésotérique. François Legault vendrait sa mère pour un record. Oh François Legault, t'es pas tout seul. C'est parce qu'en bouteille y'en a 36, puis c'est aussi le nom d'un ministre, puis l'ancien chum à Marie-Pierre, et puis du chum à Marilyn. Mais François, t'es mon geek à moi. Quelqu'un qui m'appelle, qui me laisse des messages sur mon répondeur, puis qui m'annonce les choses qui viennent, même ceux qui ignorent les promoteurs. Parce que tout est écrit dans son petit carnet, il collectionne les téléphones, les sorties de disques que personne connaît, les choses que jamais personne. Et François Legault vendrait sa mère pour un record. François Legault, t'es pas tout seul. Radiohead pour la donner à sa future blonde. Parce qu'il arrive des shows 3 heures en avance pour checker des places pour tout le monde. C'est parce qu'il y a pas de linge dans ses tiroirs qui sont remplis de jeux vidéo. C'est parce que JF doit pas mal de cash et avec le reste c'est GSUH. Mais François Legault vendrait sa mère pour un record. François Legault, t'es pas tout seul. C'est parce qu'on a tous le même problème. Max et JF sont encore de même, mais ils ont encore du chemin à faire. Parce que qui que toi, c'est dur à croire. Mais François, t'es mon geek à numéro 14. Hotels, cover models. Looking back, you remind why I'm falling for one step behind. Let's know it goes, a table turns. You roll your eyes, the whiskey burns. Too many times I paid the price. I loved her once but killed her twice. Well, I run it clean, I run it fast. I'm always first around, I'm always last. So baby, you wouldn't break. I could have settled for a second place. Well, I run it clean, I run it fast. Well, I'm always first around, I'm always last. So baby, baby, please, you give me all the needs. Get you on your back, lay you like a railroad track. Got a shotgun full of trust. I got a key to ride that train, bottle full of lust, and pills to kill my pain. Well, baby, is this party over? Ça fait toujours autant ça. Surefire Machine et One Way Ticket qui descendent de la 13e à la 14e position anglophone. Avant ça, c'était une nouvelle entrée des Violents Cachalots qui sont de retour après leur grand numéro 1 qui nous a quittés récemment. Bref, leur nouvelle pièce s'appelle François Legault. Ça vient toujours de leur CD 11 ans de succès. Avant de passer aux 13e positions, regardons un petit peu ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Vous savez que la capsule Vidon à droite question, ça c'est la capsule du mois extrême, s'en vient dans environ une heure. Et cette semaine, ici un jour, il n'y avait plus de Lyon. Hein, voici le résumé. Pour leur dernière capsule, Luc Archambault et Mathieu Saint-Onge délirent sur la disparition du roi de la jungle, le lion. Il ne reste que le lion de la compagnie de production et de distribution cinématographique MGM et les remords des hommes. Voilà, donc c'est la dernière capsule de la saison de Vidon là dans la question. C'est dans un petit peu moins d'une heure. Du côté anglophone, la 13e descend de la 7e, c'est Metric avec Satellite Mind. Il nous reste une seule nouvelle position cette semaine, elle est du côté francophone, voici Numéro et leur pièce Honneur, mais écrit en lettres H-O-N-N-E-U-R. Je sais pas pourquoi, ils vont sûrement définir ça, mais m'en donne dans la pièce. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oh. Monsieur leur est choisi, ça fait longtemps que j'y pense. Bombarder l'édifice, faire de la contrebande. Allons lumière et diplomatie, l'honneur de la pression se mérite. Le coup de tête d'un père de famille, si je comprends c'est moi qu'on enlise. Ce sourire cache l'envie de trahir, ne vous y trompez pas. Ma vie j'la gâche, j'ai hâte de finir, le sort est contre moi. Messieurs la messe est dite, sortez. Les objets contendants, torture. Libère mon territoire, l'espoir est sur mon continent. Messieurs, je regarde le soleil jusqu'à me griller la rétine. Si je plonge, vous viendrez avec moi. Respiration profonde, ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie j'la gâche, j'ai hâte de finir, le sort est contre moi. Ce sourire cache l'envie de trahir, ne vous y trompez pas. Ma vie j'la gâche, j'ai hâte de finir, le sort est contre moi. Numéro 13. I can't. La 13e position anglophone est occupée par Metric et Satellite Mind. Ça descend de la 7e place. Et avant ça, du côté francophone, c'était la dernière nouvelle entrée de cette semaine. Numéro avec Honor. Leur album Sport de combat, c'est quoi la 3e pièce de l'album de numéro qu'on a dans nos palmarès ici. Assez fou. C'est toujours excellent. En passant, pour ceux qui ne savent pas encore, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est partout. Allez voir assemblagerequis.com et tous les liens sont là-dessus. La liste des pièces jouées aujourd'hui, un avant-goût de ce qui se passe dans la prochaine capsule de vidéo dans la question. Tout ça sur le site de l'émission Les Palmarès c'est fou. C'est au www.assemblagerequis.com. Du côté anglophone, la 12e, c'est The Novax avec Why Wonder. Ça descend directement de la 4e place. Avant ça, voici... Oh, et ça descend de la 3e. Ça va encore plus mal pour Jean Leloup. Voici Laisse-moi dans vos palmarès. C'est fou, c'est un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. En direct les vendredis soirs dès 17h. On rappelle les jeudis après-midi à 15h au 89.1 FM. C'est fou. Retour de Novax, Jean Leloup et The Get Down dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Les palmarès C'est fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. We'll be right back. The Novak, c'est Why Wonder, l'ancien numéro 4 qui est maintenant en 12e position, ça vient de l'album Things Fall Apart. Avant ça, c'était Jean Leloup et Laisse-moi qui descend de la 3e place. Les deux tombent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu trop plate pour eux autres, mais bon, que voulez-vous? Peut-être qu'on les reverra avec d'autres pièces plus tard. Jean Leloup, son nouvel album s'appelle Me Excuse Me Lady. Mm-hmm. Au numéro 11, les choses avancent vite comme toujours. Du côté anglophone, ça monte de 3 places de Get Down avec This Is The City. Mais tout de suite, voici le Roi Poisson et Croque-Mort. Vous êtes au Palmarès C'est Fou et allez voir le assemblagerequis.com pour savoir ce qui s'en vient plus tard et ce qui joue dans l'émission de ce soir. Mm-hmm. Assemblagerequis.com. Censé m'en demander tant, mais depuis, je suis devenu un peu dépendant. À quelque part, je ne pouvais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Ce que je préfère, c'est enterrer les morts et ma vie tout en or. Je suis surpris que ce soit pas juste des petits vieux que j'entends. Ça me rend malheureux. Ils ne devraient pas savoir que c'est que pour enfants. Quand j'en vois, je trouve cela bien déprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Mais ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Chose fondée, car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. This is the city. What has become? This is the city. The Get Down, This Is The City, qui monte de la 14e à la 11e position anglophone dans notre palmarès assez fou, 89 FM. Alors ça, c'était Le Roi Poisson et Croque-Mort qui descend de la 9e à la 11e place. Vous savez leur album qui s'appelle aussi Le Roi Poisson. Alors, on est presque rendu à notre 10e position francophone, Martin Léon et du côté anglo de Mars Volta. Mais avant ça, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est très important, hein, parce que les palmarès, c'est fou. C'est pas juste un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 30 des CD, le top 10 électronique, le top 10 loud et le top 3 des disques canadiens. Commençons par les CD. Une seule nouvelle entrée en 13e place. On les a entendus dans le vrai palmarès anglophone tantôt. Steve Hill and the Majestics avec ça, je vais dire X partout. The Damage Done. Les X, c'est cool. Troisième position, ça monte de 3 places Standing Waltz avec Nonsense. En deuxième, c'est stable New York Dolls avec Cause I Said So. Et en première, c'est stable 7e semaine pour Sub avec To This Beat. Dans le top 10 électronique maintenant, 2 nouvelles entrées. En 10e, Toy Cult avec Narcissistica. Hein? En 8e, Exosat avec Grotesque Consumer. En 3e, et le reste est stable en passant. En 3e, Ipa avec They Know What Ghosts Know. En 2e, Home Video et It Will Be Okay. Et en première place, la compilation Miwok 12. Dans le top 10 loud, aucune nouvelle entrée du tout. Tout est stable. En troisième, on trouve Stratovarius avec Polaris. En deuxième, Iron Maiden et Flight 666. Et finalement, en première place, Voivod avec Infini. Et on termine avec le top 3 des disques canadiens. Encore là, pas de nouvelles entrées. Mais en troisième, ça monte de 2, Metric avec Fantasies. En deuxième, ça monte de 4, Standing Waltz et Nonsens. Et c'est stable en première, Sub avec To This Beat. Voilà qui fait le tour pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos deux palmarès complètement communs et standards. Vous les connaissez tous, vous les aimez. Les top 15 francophones et top 15 anglophones. Du côté anglo, la 10e est occupée par The Mars Volta et Halo of Nambutals. Ça monte de 5 places. Avant ça, voici Martin Léon qui est stable avec C'est ça qui est ça. C'est de même. Je vous rappelle l'adresse du site web assemblagerequis.com et écoutez-nous en direct sur Internet via le cifou.ca. Pas mêlé de ce qui me regarde pas. Moi, je te dirais bien ça. Il vient un temps où, comme tu sais, ben, faut que les choses se disent. Ça fait que, écoute bien là, même si t'ailles ça, ben, c'est ça qui est ça. Hein, tu sais? M'en est dans vie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras, là, même si t'haïs ça. Ben c'est ça, il est ça. Vas-tu? Fais pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, là, ok? Yeah, moi le gars. Ok? J'aurais peut-être pas te dire ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis comme ça. Puis même si j'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Vas-tu? Oui. En même temps, m'a dit comme on dit des fois, je voudrais pas dire des affaires que tu sais déjà, tu sais. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. C'est que même si t'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Vends-tu? Oh, excuse-moi, là, faut que je te laisse, j'ai une autre ligne. Numéro 10. Stampede of infidelity. The Mars Volta et Halo of Nambutal en position numéro 10 anglophone. Ça monte de la 15e place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Bon, c'est la fin de la première heure des Palmarès, c'est fou. C'est ce que ça veut dire, cette musique-là. C'est ça. Mais on se retrouve avec une deuxième et une troisième heure. Il va y avoir une toute nouvelle capsule de Vido à la drôle de question. C'est la dernière de la saison, on se demande cette semaine. Et si un jour il n'y avait plus de lions? C'est au début de la deuxième heure des Palmarès, c'est fou. On va entendre plein de bonnes musiques, dont Le Nom, Les Incendiaires, Les Fatal Picards, Pale Air Singers, Rum Runner et Voivod. Restez là, c'est les Palmarès, c'est fou. Vous écoutez les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Bon, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, au 89 FM pour la semaine du 14 au 20 août 2009. Oui, deuxième heure. Dans cette deuxième heure, il va y avoir plein de bonne musique et une toute nouvelle capsule de Vidon, là, dont la question. Kiwan vient d'arriver. Salut, Matt. Salut, Kiwan, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super de t'avoir à cette heure-là, c'est cool. Ouais, quand même. J'ai manqué la première heure, mais il reste encore deux pour me reprendre. Tellement de temps à passer ensemble, à se passer de la bonne musique. Est-ce que tu as envie de présenter les positions qu'on s'en va entendre? Ce sont les 9e, mais je sais que tu aimes la 9e francophone. OK, tu sais ça, toi. Je le sais parce que je te connais tellement bien. OK, ben avant de l'entendre, la 9e francophone, on va aller entendre la 9e anglophone. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'était pas mal le francophone en premier. Mais ouais, on va l'entendre. Okay. Non, je sais pas. Non, OK, on va entendre la 9e. On va entendre tantôt là, la 9e anglo. Ça va être Voivod et Crap Radio, c'est bien ça? C'est ça. Mais tout de suite, on entend la 9e francophone qui passe de la 14e à la 9e. C'est la deuxième présence pour les incendiaires avec la pièce, leur simple, La menace digitale. Et c'est vrai, je l'aime beaucoup. J'ai fait souvent jouer à mon émission. Je le sais, je l'écoute ton émission, Kiwan, sur assemblagerequis.com en balado-diffusion. Hey, t'sais, à la place, on va les faire jouer les deux en même temps, vu qu'on sait pas. Ouais, c'est sûr. Tout se bien. On va essayer, voir. Tu vois? À date, c'est pas mal plus le francophone qui paye sur l'autre. Ah! Les explosions viennent d'embarquer. Oh! C'est tellement bon. Wow. J'adore ça. Ouais. Non? C'est vraiment de la crap radio. Elle est très bonne, Kiwan. Ouais. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. Au 89.fm. C'est ça. Yeah. numéro 9. Et ça, c'est de la musique, hein? C'est Voivode qu'on vient d'entendre avec la pièce Crap Radio. Ça monte de la 12e à la 9e, donc plus 3, ça met de leur album Infini, qui, en passant, je vous dis ça comme ça, mais c'est le numéro 1 du palmarès Loud dont on parlait tout à l'heure. Et tu dois vraiment espérer que ça se retrouve au numéro 1 bientôt pour pouvoir faire des jeux de mots succulents sur Voivode et Crap Radio, il me semble. Ça aurait pu, ça me vient de même, ça, les jeux de mots, là. T'en as déjà sorti quelques-uns, là, comme Réchauffement tantôt, là. Ouais, oh, non, je ne le dirai pas, mais j'ai très hâte. Moi, j'espère. En tout cas, je croise mes doigts pour qu'un jour Voivode soit numéro 1 et que tu puisses nous pousser en rafale tous tes jeux de mots. Je pense que si, vu que je suis le premier à en parler, je pense que je peux gager avec toi genre $1 million que ça va être le numéro 1 dans quelques semaines. Je te gâche ça comme ça, est-ce que tu acceptes ma gageure? Ouais, je suis pas sûr, j'abonde un peu dans le même sens. Je pense que ça va être comme pas mal sûr, ça. Et juste avant Voivode, on avait entendu la 9e francophone, c'était Les Incendiaires avec La Menace Digitale. Et on est maintenant rendu aux 8e position. Absolument, les numéros 1 la semaine dernière, si vous vous en rappelez pas, si vous étiez pas avec nous pour notre grand retour la semaine dernière de nos vacances, le numéro 1 anglophone, c'était Sub avec Black Gold. Et si on se demande si c'est encore là. Et du côté francophone, c'était Mimi Van Der Glo avec la pièce Tu sais. Et celle-là non plus, on l'a pas encore entendue, donc... Mystère. Mystère et Bubblegum. Ça, ça va être révélé d'ici environ 1h50. Ce qui s'en vient très près de nous, c'est la capsule du mot extrême vidant en question. Et c'est la dernière de la saison cette semaine. On va vider la question suivante. Et si un jour, il n'y avait plus de lion qui vont? On va savoir ça dans environ 5 minutes. Mais juste avant, on va aller écouter la 8e position francophone. C'est 011 et la pièce La solitude amoureuse. T'as un bel accent avec ton « mais ». Mais. Mais. Mais. J'ai mon petit accent du lac. C'est beau. J'aime ça, mais. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Allez voir notre site web au assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com, tapez ça. Tap, tap, tap. C'est comme dans Ramdam, c'est quand ils disent marche, mais moi je dis tap. C'est bon, c'est comme ma nouvelle phrase catchy. Tu trouves pas ça catchy? Tu répéteras pas ça dans ta vie tous les jours? Oui, sûrement. Assurément. Bon. Semblez aussi. Numéro 8. C'est la pièce Winter Hill qui monte de la 11e à la 8e par la formation de Doves. Leur album s'appelle Kingdom of Rust. Et avant ça, on avait entendu la 8e francophone, c'était 011 et la pièce La solitude amoureuse. Et là, on est pas mal rendu, je crois, à aller écouter la capsule de... Vite, on adore la question. C'est mon Porky Pig, le cochon. Là. Et si un jour, il n'y avait plus de lions? Donne, Seigneur, à ce dernier lion que la terre portait en son sein, le repos éternel. Il ira rejoindre au paradis ses autres congénères victimes d'extinction, comme la tourte, les tourneaux de Bourbon. Mon Dieu, comment on a pu en arriver là? J'ai honte. Le Tilacine, aussi appelé diable Tasmanie, le dodo, et évidemment tous les dinosaures. Alors on a pour commencer le tyrannosaure, le tricératops, le stégosaure, le brontosaure. Lorsque les lions disparurent de la terre, les êtres humains vécurent une tristesse infinie. Ce film ne comporte pas de scènes de foufoune et peut donc être présenté à un public de tout âge. Et question de vous culpabiliser pour toutes les affaires pas belles pour la nature que vous avez sûrement faites depuis votre naissance, voici le rugissement du lion MGM. Je suis pas capable de vivre avec le remords. Je pense que je vais aller vandaliser un Hummer, je me sentir mieux. Pour venir à bout de ce sentiment de culpabilité, les êtres humains commencèrent à déifier le grand disparu. Et Moïse descendit du mont Sinaï. Et alors, au travers lui, Dieu lui parla. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant de fausses idoles. Mais il n'avait pas pensé à ça, Dieu, qu'un jour, il n'y aurait plus de lion au bout de cierge. Alors, gloire à notre grand disparu, le tout-puissant lion. Oh, veille sur nous, prisonniers. À genoux. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Voici votre bulletin d'information de fin de soirée. Tout d'abord, la folie du lion continue toujours. Un comité des amis de la nature s'est réuni hier afin de déterminer qui succédera au lion en tant que nouveau roi des animaux. D'emblée, nous aurions dit le tigre, mais le tigre ne possède pas de crinière, crinière qui, je vous le rappelle, est essentielle à l'exercice de la fonction royale chez les animaux. Alors, dans la course à la royauté, on retrouve donc le loup à crinière, le terrier à crinière, ainsi que la bernache à crinière. Le comité des amis de la nature a décrété que le vainqueur sera décidé à l'issue d'un sanglant combat à mort entre ces trois espèces. Oh, et oh, un instant, oui. Ouh, oh, ben... On vient tout juste de m'annoncer une très grande nouvelle. Il semblerait que le dernier lion ait été enterré dans un cimetière indien. Alors tout porte à croire qu'il reviendra sous forme de zombie, nous hanter pour toujours. Mesdames et messieurs, c'était votre bulletin de fin de soirée. Je vous souhaite bonne nuit et profitez bien de ce moment d'intimité pour vous rouler la bille en pensant à moi. Ah, ça me remet dans ma jeunesse, Hakuna Matata, toutes les chansons du Roi Lion. Tellement un beau souvenir. Hey, on a-tu pleuré en écoutant ça, hein? C'est le cercle de la vie. Hein? Non? Non. Non? T'as pleuré? Oh, ok, ouais. Bon, donc c'était la dernière capsule de la saison de Vidon la drôle question, la capsule d'humour extrême avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Cette capsule-là a été diffusée pour la première fois, c'est fou. Et depuis des mois, c'est pour la première fois, c'est fou tout le temps. C'est le fun, on aime ça. Mais là, maintenant, ben, c'est terminé. Il n'y en a plus. Pour l'instant, parce que les gars vont sûrement faire d'autres choses à un moment donné. Ils sont lancés à faire des. Ils ont commencé à faire des parodies de chansons. C'est le fun, on la jouera peut-être tantôt, je pense. Hein? Ouais, peut-être. Mais en tout cas, étant donné qu'on les suit à la trace, c'est sûr qu'on manquera pas rien de ce qui va sortir de nouveau de Vidon la drôle la question. On est à l'affût. Exactement. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien vers leur site web. Et renseignez-vous sur Vidon la drôle. On les aime, on a hâte d'avoir des nouvelles d'eux. C'est Vidon la drôle la question. On est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. On va retrouver une pièce qui monte de 3 places. PL Air Singers avec Horse Trade. Du côté francophone, ça descend de 3. C'est le nombre avec des zombies et des fleurs. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Cette chanson-là commence vraiment à me rester dans la tête beaucoup. Je l'aime. C'est Pillar Singers avec la pièce Horse Trade. Ça monte de la 10e à la 7e position du palmarès anglophone de C'est fou. Donc on va voir si ça va continuer à monter. Avant ça, de l'autre côté de la pub, en fait, on avait entendu la septième francophone. C'était Le Nombre et la pièce des zombies et des fleurs. Merveilleux! On a dépassé le cap de la mi-chemin de l'émission. On est rendu aux positions numéro 6 très bientôt, mais avant la position numéro 6, je vous rappelle encore une fois l'adresse du site internet des Palmarès C'est Fou, parce qu'on doit le dire, c'est une nouvelle adresse, faut la retenir. Hein? C'est super facile à retenir, c'est le www.assemblagerequis.com. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle assemblagerequis.com? Pourquoi, Mathieu, est-ce que ça s'appelle assemblagerequis.com? Dis-nous-le. Tu me renvoies la question, c'est fin. Parce qu'il y a une nouvelle émission qui s'en vient plus tard ce mois-ci. Ici, Maman, c'est fou, l'émission du retour Assemblage Requis de 15h à 17h avec Kiwan et moi. Oui, puis entre autres aussi, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir d'autres émissions. Il va y avoir d'autres émissions quotidiennes que celle-ci. Il va en avoir plein. Absolument. À partir de la fin du mois d'août, il va y avoir une émission le matin de 7h à 9h. Ça s'appelle La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Et puis, sur l'heure du midi, de 11h à 13h, Danny Janvier et son très bon collègue André Junior Baudet vont animer le Dîner de cons. Oui, donc ça, c'est les nouveautés qui s'en viennent cet automne assez fou. Puis, ben, en ce qui nous concerne, nous, bien, c'est de 15h à 17h du lundi au jeudi, Assemblage Requis. Et tous les renseignements, en fait, sont sur le www.assemblagerequis.com. Et sur le site, vous allez retrouver des capsules web qu'on fait en exclusivité avant même de commencer l'émission pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça va goûter sur Assemblage Requis. C'est sur assemblagerequis.com. Miam, miam, hein? Menou. On va continuer nos palmarès, c'est fou, nous, parce que c'est ce qu'on fait toujours les vendredis soirs de 17h à 20h. On rappelle les jeudis de 15h à 18h. C'est de vous présenter un condensé des meilleures musiques que c'est fou à vous offrir. Du côté anglophone, la sixième place est Rum Runner avec Love's Lovely Counterfeit. Ça monte de 3 places. Mais du côté francophone, c'est le groupe français Les Fatal Picard. Et j'ai tendance, quand je dis ce nom-là, à dire les Pascal Picard. Je l'ai dit en nom de l'autre fois, mais non, c'est vraiment Les Fatal Picard avec la pièce Le Combat Ordinaire. Gate 22. Ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine. La casquette de travers, j'avais la classe ouvrière. C'était toute ma vie, mon droit à la misère. Jusqu'à cette lettre qui dit encore merci. C'est ça au RMI, dans un faubourg de Varsovie. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux. Mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Si mon vieux me voyait, il serait fier de moi. Lui qui était communiste, comme on porte une croix. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout. Moi je sais souder à l'arc et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des caleçons et droits. Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Yeah. 6. Rum Runner et la pièce Love's Lovely Counterfeit qui monte de la 9e à la 6e, donc c'est plus 3 pour Rum Runner. Et avant ça, c'était le groupe français Les Fatales Picards avec la pièce Le Combat Ordinaire. Ça passait de la 11e à la 6e position. On est déjà rendu aux 5e position, c'est-à-dire au dernier tiers de l'émission. Rappelons les numéros 1 de la semaine dernière. Du côté anglophone, c'était Sub avec Black Gold. Et du côté franco, c'est Mimi Van Der Glo avec la pièce Tu sais. Les deux pièces, on les a pas entendues encore. Donc, on sait pas si ça reste encore au numéro 1 ou si ça va changer. Exactamundo. Mais pour l'instant, ça n'a pas joué. On est rendu aux 5e position. Il nous reste moins de 1h20 à l'émission de cette semaine des Palmarès. C'est fou. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct, nous, ici, là, présentement, les vendredis soirs. Il est 18h40. On joue de 17h à 20h tous les vendredis. C'est précis quand même. Hein? On est en rappel tout l'été, les jeudis, de 15h à 18h, juste avant la spirale. Hein? C'est bien. Autre chose à dire, si vous allez sur l'assemblagerequis.com en ce moment, qui est le site de l'émission, www.assemblagerequis.com, vous allez voir plein de nouvelles choses qui s'ajoutent au fur et à la mesure que l'été avance, en prévision du 31 août, où toutes les émissions quotidiennes de C'est fou vont commencer. C'est le lundi 31 août. Bref, là-dedans, il y a une section capsule web et une section blog. Oui, qui sont autant de pièces à assembler. Autant de pièces à assembler, absolument. Donc, la section blog, on pourrait dire là-dedans qu'il va y avoir des textes de différents chroniqueurs. Présentement, le texte parle du Festival Urbain. Et le Festival Urbain, ça va avoir lieu du 20 au 23 août. Et nous, les Palmarès C'est fou, on va être en direct le 21. ou vendredi. Ben oui, la semaine prochaine, on va être en direct du Festival Urbain. Ça va être le fun, ça. Ça va être tellement le fun, en tout cas, c'est ce qui devrait arriver. Il y a aussi Capsule Web. Le fun, ça devrait arriver, le fun. Capsule Web, ça, c'est la section où on met des exclusivités web, si on veut. Des capsules audio, des capsules vidéo dans le futur. Présentement, la capsule qui est là, c'est celle de CNX Extra Autour du Net. C'est l'émission qui accompagne mon émission technologique CNX. Donc, c'est ce qu'il y a le plus haut là-dessus présentement le vendredi soir. Mais on met aussi des capsules pour annoncer Assemblage Requis. Ouais, tu vas peut-être mettre tes vidéos de vacances aussi, je pense. Tu me parlais ouais. là-dessus, ouais. Absolument. Nos blondes en bikini, ça va être vraiment très... apprécié. Ouais, Mathieu en speedo à Old Orchard, ça va être minimum. Manium. Il y a aussi un décompte vers Assemblage Requis. Je vous rappelle, ça commence le 31 août. Et puis, les trois émissions les plus récentes de Kiwan et moi, c'est les Palmarès, CNX. C'est la dernière porte à gauche. Hein? Et voilà. C'est beaucoup de matériel. On est rendu aux positions numéro 5, comme je le disais précédemment. Du côté anglophone, on retrouve Snoo avec Stand Up High, ça monte d'une place. Mais du côté francophone, tout de suite, c'est le nouveau venu, le nouveau groupe de l'écurie Slam 10 qui compte plein d'excellents groupes. Mais celui-ci s'appelle Crash Ton Rock et la pièce aussi s'appelle Crash Ton Rock. C'est la cinquième position francophone et on l'écoute tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Au 89.5. Les punks et les voyous. Les samedis soirs, je me rends sous, je rentre dans les à genoux. Je fume encore, même si c'est mal. Je prends pas soin de moi, je me sens pas mal. J'te un imposteur pour les rebelles. J'te un parasite pour la dentelle. Je prends ma place parmi mes pères, la différence me rend bien. J'ai pas besoin d'approbation, mes rétracteurs sont des moutons. Non, y'a le toujours pour critiquer. Ce que tu fais pour se monter. Y'a le toujours prêt à juger ta manière d'être habillé. Mais nous sommes blanc, jaune, rouge et noir, tous différents, plein d'espoir. La différence fait notre force et c'est ensemble qu'on crache le drogue. J'cherche pas de catégorie. J'veux être ce que j'suis sans compromis. Ma coupe de cheveux ne m'importe pas. J'ai peut-être l'air sale, mais c'est comme ça. On fait pas de game avec la cache. J'veux pas que tu m'aimes ni faire la face. Non, y'en a toujours pour critiquer. Ce que tu fais pour se monter. Y'en a toujours prêt à juger ta manière d'être habillé. J'ai loin de différents et plein d'espoir. La différence fait notre force et c'est ensemble qu'on crache le truc. Numéro 5. Can't Break Me de Standing Waltz, c'est la position numéro 4 anglophone. Une des formations que j'aime beaucoup, beaucoup, ça, Standing Waltz. Ben oui, c'est déjà la deuxième pièce de leur album qui se retrouve sur les palmarès. La première était du côté francophone, mm-hmm, et celle-ci se retrouve du côté anglophone. Absolument. Ils sont polyvalents. Ils sont polyglottes, qu'on pourrait dire. Hein? Oh oui, excellent. On pourrait-tu dire ça? On pourrait vraiment dire ça. Je sais pas si on pourrait dire ça. Je pense que oui. Sûr? Ils sont au moins biglottes, si on peut polyglottes. Biglottes? Ouais. OK. OK. Donc, Standing Waltz, qu'on vient d'entendre, c'était très bon. Est-ce qu'on a écouté quelque chose d'autre avant, je pense pas? Ben oui, on avait entendu Crash Ton Rock de Crash Ton Rock. Et c'était la cinquième position francophone. D'accord. On va aller tout de suite entendre la position numéro 4 francophone. Tiens, pourquoi pas la quatrième, hein? La quatrième. Elle monte de 4 places. C'est la formation Micron avec leurs amis de St. Catharines. La pièce s'appelle Vedette. C'est à peu près ça qu'on s'en va entendre. On écoute tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Est-ce que j'ai l'air mêlé dans les pièces? Bon, à peine. Est-ce que j'ai fait pas jouer une pièce, peut-être? Peut-être, mais bon. On s'en fout un peu. Personne suit l'ordre. On laisse parler la musique, comme dirait Rhythm FM. Hein? L'aubainerie, je pense. Don't know what you're falling up in a pile. Yes, nous avec Stand Up High en position numéro... numéro du côté anglophone. Et du côté anglophone, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce livre. Moi, je dirais que c'est le numéro 4. 4, là, si on suit la chronologie des événements. D'accord. Puis avant ça, on avait entendu la quatrième francophone. C'est ce qui me fait dire qu'on est rendu à 4 parce que c'était la pièce vedette de Omnicrom avec The St. Catharines. Et maintenant, il reste seulement... le top 3 des deux côtés à faire. Et il reste... Une heure. Une heure, exactement. Ça va très bien rentrer. Il va y avoir plein de bonnes musiques qui restent avec nous au palmarès. C'est fou! Au 89.1 FM. Avec Kiwan et Mathieu. Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. C'est la troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 14 au 20 août 2009. Il s'appelle Kiwan La Liberté. Et lui, c'est Mathieu Plante. Kiwan The Liberty. C'est beau, hein? Moi, c'est Plante. Ouais, ou André Le Jeune pour les intimes. Et Andrew WK. OK. N'importe quoi. Vous êtes au Palmarès C'est fou et qu'on lance de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On vous passe un top 15 francophone et un top 15 anglophone, des pièces les plus appréciées par les nombreux animateurs de C'est fou. Oui, et là, il reste seulement les trois positions des deux côtés à faire. On n'a pas encore entendu les positions numéro 1 de la semaine passée. Donc, on risque de les entendre prochainement, je crois. Est-ce que c'est encore Mimi Van Der Glo avec Tu sais du côté francophone? Je sais pas. Et est-ce que ce sera encore Black Gold de Sub du côté anglo? Je pense qu'on répond à cette question-là tout de suite, mais en fait. Parce on va les entendre juste après la position numéro 3 francophone. Oui, c'est ça, la troisième position anglophone. Ça sera l'ancienne numéro 1, Sub et Black Gold. Mais tout de suite, on va aller écouter la troisième francophone. Carré Cudon avec Papadapa. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Squeezy in your ears, Q1. Perfect. J'arrête de parler. Hein. Perfect. You wake up and smell the coffee. You don't know how much it means to Sab et Black Gold, l'ancien numéro 1 anglophone qui est maintenant en troisième place de ce côté-là, du palmarès anglophone, comme on l'appelle communément. Et du côté franco, ça montait de 3, c'était Carl Eric Hudon de son album Contre le tien, Anana Bongo Love et la pièce Paparapapa. Contre le tien, Anana Bongo Love. Toujours génial. Tellement le fun à dire. J'adore ça. Vous pouvez retrouver le palmarès au complet sur le site de C'est Fou au www.cfou.ca. C'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir écouter C'est Fou en direct sur Internet. Oui, c'est là-dessus que vous pouvez avoir toute la programmation de C'est Fou, que vous pourrez écrire aux animateurs, que vous pourrez aussi retrouver des extraits en balado-diffusion. Oui. Puis avoir toutes les nouvelles concernant la station, bref. Ben oui, et savoir quelles émissions s'en viennent, hein? Il y en a plein d'affaires à savoir sur le www.cfou.ca. On est rendu aux positions numéro 2. Du côté anglophone, ça monte d'une place. New York Dolls avec Cause I Says So. Et du côté franco, c'est l'ancienne position numéro 1, donc ça veut dire qu'il va en avoir une nouvelle cette semaine. C'est la pièce Tu sais de Mimi Van Der Glo qu'on écoute tout de suite. Et Mimi Van Der Glo sont en spectacle mardi prochain, le 18 août. C'est du côté du Gambrinus. C'est un des rares spectacles qu'ils ont fait cet été parce que depuis que l'album est sorti le printemps dernier, ils n'ont pas fait énormément de spectacles. Ils en ont fait quelques-uns pour lancer l'album. Après ça, ça a été plutôt tranquille. Et puis là, je pense qu'ils vont commencer peut-être cet automne là, à vraiment jouer l'album puis en live là, sur scène. Donc, c'est une des premières et rares occasions que vous avez mardi le 18 août pour aller voir Mimi Van Der Glo live. C'est au Gambrinus à 21h. Et voici tout de suite avec leur pièce Tu sais, dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est un beau travail de collaboration, ça. Ouais. Bravo. Your camera, some for smoking a joint. Why? Because I said so. I said why? Because I said so. Yeah. I said so. Le numéro 2 anglophone, c'est Cause I Said So de la formation New York Dolls. Ça monte d'une place, ça fait 6 semaines que c'est dans nos palmarès. Et avant ça, c'était la chanson un peu coquine quand même de Mimi Van Der Glo. Tu sais, l'ancienne position numéro 1 qui descend en deuxième position. Assez sexy, hein? Les paroles, là? C'est coquin, je dirais. Coquin, d'accord. Ben, c'est plus classe de dire coquin, j'aime ça. C'est un gars qui a de la classe. Ouais, parce qu'en fait, si on analyse vraiment sagement, on pourrait dire que c'est vraiment cochon, mais bon... Ça se dit pas. Fait qu'on va dire coquin. Il y a des règles, on peut pas dire cochon à la radio. Et voilà. Il y a un bip, je pense. Je pense que quand je le dis, je pense qu'on entend Radio-Canada à la place. Ouais. Ce message d'intérêt public est pour vous annoncer que Mathieu Plante dit des choses que c'est fou, n'endosse pas. Tu vois ça, si j'avais écrit cette phrase-là avant, ça aurait sonné mieux, mais quand même. C'est une joke. C'est le risque. C'est le risque de faire des jokes poches. C'est pour ça qu'on n'est pas des humoristes, Kiwan. Et voilà. C'est ça d'autre. C'est pour ça qu'on n'essaye pas d'être drôle. Hein. C'est... Mais quand même, il faut quand même aussi se remettre dans nos palmarès. Puis je veux juste te rappeler que malgré le fait que tu viens de dire que tu n'essaierais pas de faire du mot, on est rendu au numéro 1. Merde! C'est le moment où tu fais j'allais dire tes jokes poches, mais non, je veux dire des jeux de mots. Donc, je te laisse à tes jeux de mots. Tu sauras que mes jeux de mots sont pas si pires que ça. C'est pas la fin du monde, mettons, mes jeux de mots. C'est pas l'apocalypse, quand même. Je trouve que t'en mets pas mal, tu sais. Hein? Celui-là, tu l'as pogné. Ouais. Jazz avec l'apocalypse. Ouais. Ouais, c'est pas pire jusque-là. Ouais. Disons que t'es arrivé en ville en même temps que moi avec le jeu de mots. T'sais. Town, sur le town. Non. Mettons que du côté anglophone, je pourrais dire que je suis presque bon animateur ou je suis presque pas un animateur. T'as pas une idée dans ce cas-là? Knocking okay, fuck, ouais. Fucking nuts. C'est comme un jeu de mots, c'est comme les lettres sont inversées. Ouais. C'est ça. Tu m'adapterais pas, hein? Bon, alors... Tu m'adapterais pas, tu ferais pas de moi ton fils, hein? My son de bum. My son de bum, c'est le nom. C'est le nom du groupe anglophone. Donc, je pense que c'était à la hauteur de tes jeux de mots. On a créé un bon malaise, on a fait fuir quelques auditeurs. S'il était pas déjà parti, hein? Je dirais que c'est dans la moyenne des numéros 1 des palmarès, c'est fou. Disons que c'est proche du comment t'appelles ça? La planète, mettons, t'as le milieu, c'est quoi? C'est la ligne... L'équateur, c'est ça, c'est du côté de l'équateur qui est le plus proche de la Chine. Bon, là, c'est fini. Voici du jazz avec l'apocalypse de Chinatown. Là, je pense que c'est. Ouais, c'est fini les jeux de mots, Mathieu. Là, arrête. Calme-toi. Faut mettre des limites à me dire. Ça va, Mathieu. Calme-toi. Quand le ciel est bleu, la mer est calme, tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance. Ton héritage américain. Dans la rue c'est différent, ça roule. Tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule. Poing fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Sous les ponts y'a des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la voie lactée. Sur

Kiwan, t'es rempli de ressources. Tu découvres tellement d'affaires avec le temps. Moi pis la technologie, on ne fait qu'un maintenant. Ouais, un et demi, mettons. Depuis que j'ai un Facebook, là, je suis à la page. Puis juste sur MySpace de là, 3-4 ans, tellement vieux jeu. C'était les numéros 1 des deux côtés. Avant de mentionner nos numéros 1, faisons un petit récapitulatif de ce qui se passe de chaque côté. En troisième position, c'était l'ancien numéro 1 Sub et Black Gold. En deuxième, ça monte d'une place, New York Dolls et Cause SSO. Et on vient d'entendre le numéro 1 anglophone, My Son The Band, mais Knockin' Fats. Du côté francophone, la troisième position, c'était l'ancien numéro 6, Carl Eric Udon avec Paparapaparapa. La position numéro 1... Quelques syllabes de moins, mais quand même. La position numéro 1 de la semaine dernière était en deuxième position cette semaine. C'était Mimi Van Der Glo avec la pièce « Tu sais ». Et je vous rappelle que Mimi Van Der Glo sont en spectacle le 18 août au Gambrinus. C'est à 21h. Et la première position cette semaine des palmarès francophones de ces fous, c'est Chinatown avec du jazz, avec l'Apocalypse. Alors, je suis content de voir Chinatown au numéro 1, c'est beau. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai redécouvert Chinatown quand je les ai vus en spectacle au Oshéaga, là, 2 semaines environ, parce que j'avais écouté l'album, je l'avais aimé sur le coup, mais je m'en étais lassé quand même assez vite. Puis là, c'est comme un rebirth. Rebirth? Je les ai redécouverts. T'es comme un born again Christian, sauf ouais, pas de christianisme. Ouais, c'est une nouvelle vie pour l'album de Chinatown dans mon lecteur CD. Wow! Cool! Nous, c'est la fin donc des palmarès standards. On a entendu nos 15 positions de chaque côté. Il nous reste environ une demi-heure à faire et on va se passer peut-être de bonne musique. Mais avant ça, on se quitte quelques instants. Mais ne désespérez pas, nous allons revenir. Hein? Ouais, mais oui, on revient tantôt avec la suite des choses. Des ouais, post-palmarès, c'est fou. Les post-palmarès. Les c'est pas bien comme nom. On devrait brander ça, on devrait se mettre un copyright. Les post-palmarès. Mais vous êtes au bon poste, vous. Le 89 FM, restez là. Vous écoutez les palmarès, c'est une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Oh que c'est chill! La dernière demi-heure des palmarès, c'est fou avec Kiwan et Mathieu. Et on est avec vous parce qu'on a terminé les palmarès. Mais tu sais, on reste quand même là parce qu'on a une autre demi-heure à faire. T'sais. Ben oui, on est dans les activités parascolaires des palmarès, comme on aime bien les appeler. Oui, le post-palmarès, comme certains autres le disent. Nouvellement. Oui. Puis, c'est ça. Donc, on a simplement sorti quelques trucs comme ça qu'on voulait écouter. Comme ça, aujourd'hui, on avait le goût d'écouter demain. Ça. N'importe comment. C'est n'importe quoi, finalement. Ouais, qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite? On va commencer par ce que tu m'as amené, ce que tu m'as présenté comme CD. Et quand je l'ai vu, j'ai fait Youpidou, Dabadoubadoubou. Ben oui, parce que toi, t'aimes beaucoup Dead Cab for Cutie, si je me trompe pas. J'adore ça! Cet album-là, c'est un EP qui est sorti en 2009. Ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti. Je pense que c'est le printemps passé, peut-être même à l'hiver. C'est un EP de 5 pièces qui s'appelle... The Open Door, exactement. Et la pièce qu'on va écouter, c'est I Was Once a Loyal Lover. Et j'ai très hâte d'entendre ça parce que j'ai pas encore entendu ce EP-là, étrangement. Il est un peu différent quand même. En tout cas, moi, j'ai surtout connu l'album Plan de ouais. Cab for Cutie. Cet album-là, le EP, The Open Door EP, est plus folk, même presque des fois des petits accents un peu country-ish. Mais bon, ils viennent de l'ouest des États-Unis, donc ça doit pas être trop étranger pour eux, ce son-là. C'est pas vraiment un son en général qui ressemble à l'album Plan, mais ils ont tellement d'albums, ils en ont genre 1000 des albums de Gab 4 Cutie, donc je sais pas si on peut vraiment identifier un son en particulier à leur musique, mais en tout cas, la pièce qu'on va écouter est très bonne, je l'aime beaucoup, ça s'appelle I Was Once a Loyal Lover, et on l'écoute tout de suite. Dans les palmarès, c'est fou, post-palmarès, qu'on pourrait dire. Au 89 FM. On trouve un nom à un moment donné. Hein, tu sais. En constante évolution. Listen, proud mistakes with false revisions. All my friends are forward thinking, getting hitched and quitting drinking. And I can feel them pulling away as I'm resigned to stay the same. And you can't even begin to know how many times. I've told myself I told you so. And you can't even begin to believe there's so many bridges engulfed in flames behind me. Bonjour, ici Kiwan et Mathieu. Les Palmarès, c'est fou et vous écoutez Les Palmarès, c'est fou avec Mathieu et Kiwan. Directement de la Suède, c'est The Sounds qu'on vient d'entendre avec la pièce Beatbox. C'est extrait de leur tout dernier album Crossing the Rubicon. C'est extrêmement bon, ça. C'est vraiment bon. Ça ressemble, cette pièce-là ressemble beaucoup à du Creature. Hein? Tout à fait, vraiment beaucoup.

choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Gorillaz et 19-2000, Soul Child, remix précédé de Pigeon John et Weight of the World de l'album And the Summertime Soul Party. Deux pièces que j'adore, d'une de mes préférées de pas mal tous les temps, je pense. Ouais, c'était super bon, ça. Merci, j'adore ça. Petit bloc de ma part. Maintenant, on va faire des choix qu'on a, si on veut, partager entre toi et moi. OK. Mettons, hein, des affaires, c'est qu'on aime tous les deux. OK, oui. Oui, on va entendre du Metric tantôt. Mais avant de passer à notre prochain bloc musical, je vous rappelle encore une fois, encore et encore, il reste quoi, deux émissions avant la fin de la session d'été? Oui. Il nous reste l'émission en direct du Festival Urbain le 21. Oui. Et une émission régulière la semaine suivante. Et ensuite... Ensuite. C'est le début de la programmation d'automne, de la nouvelle session d'automne. Elle est très importante, cette session, pour C'est fou. Oui, ça va être une révolution, en fait, pour C'est fou. On change le monde. Totalement. On change toujours le monde à chaque année, nous. Ben oui, mais particulièrement cette année. Ouais, parce que nous, à partir du... en fait, à la fin du mois, là, mettons, mais nous, particulièrement le 31 août, on va commencer l'émission du retour qui s'appelle Assemblage requis. Oui, ça va être une émission quotidienne de 15h à 17h. Il va aussi avoir deux autres émissions quotidiennes, le matin et le midi. Ça va être super bon. Le matin, c'est la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Et midi, ça va être Danny et André qui vont animer l'émission... Le dîner de con. Le dîner de con. Voilà. Voilà. Nous, on fera l'après-midi le thé du con, si on veut. Pourquoi pas? On va être aussi con, mais avec du thé au lieu du midi. J'en doute pas. J'en doute pas. Bref, ça, c'est... nous, c'est à partir du 31 août. Les autres, on verra bien. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On a terminé nos palmarès, on a fait nos top 15 francophones et anglophones, on est dans la partie post-palmarès, et là, ce qu'on s'en va entendre, c'est très bon. Ben oui, c'est Metric. On l'en a dans le palmarès cette semaine. On en retrouvait à la position numéro 13, une pièce de Metric. Mais là, on va plutôt aller entendre la pièce Help, I'm Alive. Et puis, moi, j'étais prêt à aller jusqu'au Mexique. J'avais fixé la limite au Mexique pour aller voir Metric en auto, évidemment. T'as pensé à l'ouest du Canada. Après ça, t'as changé d'endroit. Puis là, t'as pensé même à d'autres continents, je pense, qu'à un moment donné. Tu as réfléchi, mais tu n'as pas. Mais finalement, je gardais toujours l'option d'attendre qu'il y ait un spectacle à Montréal. Et puis, c'est officiel, c'est confirmé. C'est le 17 octobre prochain au Metropolis. Metric vont être de passage à Montréal. Donc, ça va être ma chance d'aller les voir. Que t'es donc chanceux. Ouais. On s'en va les entendre, donc, Metric, avec Help, I'm Alive. Tout de suite, donc, les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. La radio qu'on puisse de Trois-Rivières. You're gonna eat me alive. keeps beating like a hammer. Perrietter, c'est vraiment l'album que j'écoute le plus en ce moment. Je sais que t'as commencé avant moi, c'est comme ça, beaucoup. Ouais, je pense qu'on est tous les deux complètement accrochés à cet album-là qui s'appelle La mer est vide. C'est un album qui est disponible gratuitement en téléchargement sur Internet. Vous allez au www.vanesparietter.com et vous pouvez tout ramasser ça gratuitement. C'est un excellent groupe, Vanesse Parietter. Ça fait longtemps qu'on en parle ici. Ça fait de fort presque un an qu'on les joue et qu'on les aime. L'album est tout frais. Il vient d'arriver le 17 juillet. Puis allez le chercher. Ça coûte gratuit. C'est super bon. C'est génial. Sérieusement, ça s'écoute en boucle et tu te tannes jamais. Non. De Vanesse Parietter. C'est la fin de notre émission pour cette semaine. Les palmarès, c'est fou pour la semaine du 14 au 20 août 2009. Kiwan suit le vendredi soir avec la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Kiwan? Ouais, ben, entre autres, en nouveauté, il va y avoir les Hand Claps qui ont sorti un nouvel album récemment. Il va y avoir Grenade aussi. Il va y avoir du Vanesse, pourquoi pas. Et puis un peu de Mimi Van Der Glo et plein d'autres choses. C'était la dernière porte à gauche ce soir, vendredi à 20h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct du Festival Urbain. Oui. Ça va être gros, ça. Hein? Donc, 4 heures directement du Festival Urbain. Vous pourrez même aller nous voir là-bas. Oui, venez, s'il vous plaît, tenez-nous compagnie. C'est le vendredi, donc 21 août, à partir de 17h et jusqu'à 21h. Ce sera les palmarès, c'est fou, on dirait que du Festival Urbain. Sinon, ben, moi, je retrouve aussi à CNX, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus geek de la radio cette semaine. La prochaine émission, c'est une émission spéciale sur le chiptune, la musique de jeux vidéo, la musique créée à partir de jeux vidéo. Et puis, ben, c'est ça. Passez une très belle semaine. On va se quitter avec El Motor. La pièce Last Call. Ça va être très très bon ça. Jusqu'à la semaine prochaine, c'était Kiwan et Mathieu. Et passez une belle semaine, c'est ça, je me répète. Salut Matt, salut les palmiers. Et passez une belle semaine en passant, juste au cas où je l'aurais pas assez. Ouais, ouais. AssemblageRequis.com pour la balado-diffusion et pour les notes de l'émission de cette semaine. AssemblageRequis.com. Bye bye. Bonne semaine! Bonne semaine! Palmarès C'est fou ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan.